السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله تبارك وتعالى على أنه يسر لنا هذا الاجتماع لمدارسة كتاب الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث الثامن، لويتم حديث دبخ عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي: Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son envoyé, qu'ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône obligatoire, et s'ils font cela, alors ils auront préservé quant à mon égard leurs biens et leur sang, si ce n'est par le droit de l'islam. Et leur jugement appartient à Allah le Très-Haut. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma, contient plusieurs masaïl. Premièrement, dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nos divinités ne mettent l'adoration en dehors d'Allah. Le noble savant, le cheikh Muhammad ibn al-Salih al-Uthaymin rahimahullah, nous cite plusieurs masaïl. Parmi ceux-là, la différence entre le mot utilisé par le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est qatala, qui veut dire combattre, et le mot qatala qui veut dire tuer. Dans le hadith, umirtu an uqatila, il m'a été ordonné de combattre, ce qui veut dire tuer, ce qui veut dire afwan, combattre et non pas tuer. Donc ici le sens est de combattre l'ennemi sans forcément le tuer. Cela dans le but que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et qu'il se soumette à celle-ci. Donc différence qu'il y a entre le fait de tuer et de combattre. Le but ici est de combattre les gens pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et que ces gens se soumettent à celle-ci. Il nous dit rahimahullah, c'est pour cela qu'il n'est pas permis de tuer toute personne que l'on combat. Il n'est pas permis de tuer toute personne que l'on combat. Et dans cela, il y a une réfutation à certaines sectes, comme Al-Khawarij, qui prennent pour but le fait de tuer les non-musulmans sans les combattre pour les appeler à ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Donc le but du combat n'est pas de tuer, mais d'appeler autrui à se soumettre, sans forcément tuer l'ennemi. Puis il nous cite, rahimahullah, certaines fawaïd tiré du hadith. Il nous dit premièrement le fait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur qui reçoit des ordres comme autre que lui. Cela selon sa parole, il m'a été ordonné sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses fawaïd, l'obligation d'attester de la ilaha illallah de par la langue et le cœur. Et si la personne le fait par sa langue et que nous ne savons pas ce que renferme son cœur, alors nous prenons ce qui est apparent et laissons à Allah ce que renferme son intérieur. Et qu'il est obligatoire de délaisser cette personne, donc de ne pas la combattre, jusqu'à ce qu'il apparaît d'elle une chose qui contredit cela. Donc on tire du hadith qu'il est obligatoire pour la personne de le dire de par sa langue, non pas seulement d'avoir cela pour croyance dans le cœur. Et que si la personne atteste de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors il est obligatoire pour le musulman d'accepter cela. Et de ne pas dire non, nous voulons savoir ce qu'il a dans son cœur. Car cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Cela comme dans le hadith de Usama radiallahu anhu, qui a à ce moment-là tué une personne après qu'elle ait dit la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le reprendre par ses propos en lui disant: as-tu ouvert sa poitrine, ya Usama? Donc cela montre qu'il est obligatoire pour le musulman de prendre ce qui apparaît de la personne qui atteste de la ilaha illallah. Cela jusqu'à ce que la personne montre une chose qui va à l'encontre de cela, comme le fait d'accomplir un acte annulatif de l'islam. Puis il nous dit, rahimahullah, parmi ses fawaïd, qu'il est obligatoire que la personne ait pour croyance que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et il ne suffit pas qu'il ait pour croyance qu'Allah mérite l'adoration, c'est-à-dire sans faire de négation du droit à l'adoration de quiconque en dehors d'Allah. Car s'il atteste qu'Allah mérite l'adoration et qu'il n'interdit pas qu'autre qu'Allah soit aussi adoré en droit, alors cela ne sera pas le monothéisme, le tawhid, si ce n'est avec la négation et l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour quiconque en dehors d'Allah et son affirmation pour Allah Azza wa Jalla seul, qui est le sens de la ilaha illallah. Donc si la personne a pour croyance, par exemple, qu'Allah mérite l'adoration, qu'il adore Allah, mais qu'il n'a pas la négation dans le cœur quant au fait que tout autre qu'Allah ne mérite pas l'adoration, alors celui-là ne sera pas musulman. Comme était le cas des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vouaient des actes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant pour croyance contre qu'Allah mérite l'adoration. Puis il nous dit, rahimahullah, parmi ses fawaïd, l'obligation d'accomplir la prière. Car si elle n'est pas accomplie, cela n'empêche pas que les gens soient combattus, comme dans le hadith. Et certains savants de la jurisprudence ont cité que les habitants d'une contrée, d'un pays, sont combattus pour le délaissement de l'adhan et l'iqama. Et cela même s'ils prient. Car l'adhan et l'iqama font partie des rites apparents de la religion. Donc si un peuple dit: nous ne ferons ni l'appel à la prière, ni l'iqama, mais nous prions, alors il est obligatoire de les combattre. Et donc les savants de la jurisprudence prennent pour preuve dans cela le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pour attaquer un peuple, attendait jusqu'au lever du soleil. S'il entendait l'appel à la prière, il les laissait, sinon il les combattait, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit, rahimahullah, parmi ses fawaïd, l'obligation de s'acquitter de la zakat, car elle fait partie de ceux qui empêchent que les gens soient combattus. Parmi ses fawaïd, le fait de savoir que le jugement et le compte de toutes les créatures appartient à Allah Azza wa Jal seul, et qu'il n'incombe au messager que la transmission du message. Et cela est de même pour quiconque hérite du messager, qui sont les gens de science. Il ne leur incombe que de transmettre, et le compte et le jugement des gens revient à Allah. Puis il nous dit, rahimahullah, ô toi qui appelles à Allah, ne sois donc pas triste si ton appel n'est pas accepté. Car si tu as accompli ce qu'il t'est obligatoire, ta conscience est reposée et le compte, le jugement des gens revient à Allah le Très-Haut. Comme Allah le dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'es pas dominateur sur eux, mais celui qui tourne le dos et mécroit, alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Certes, vers nous est leur retour, et certes, c'est à nous de leur demander compte. Surat al-Rashia, versets 22 à 26. Donc dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, et tu n'es pas dominateur sur eux. Donc il incombe au messager sallallahu alayhi wa sallam, comme il incombe à ses héritiers qui sont les gens de science, d'appeler à la vérité et de transmettre le message. Quant au jugement et au compte, cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Puis il nous dit, rahimahullah, ne sois donc pas triste, ô toi qui appelles à Allah, si ta parole est rejetée et qu'elle n'est pas directement acceptée, car tu as accompli ce qu'il t'incombe. Et sache que certes, si tu dis la vérité et que tu cherches par cela le visage d'Allah, alors il est obligatoire que ta parole ait un impact. Et cela, même si elle est rejetée devant toi, alors il est obligé qu'elle ait un impact. Puis il nous dit, rahimahullah, et dans le récit de Moussa alayhi salam avec Fir'aoun, nous avons une leçon pour toutes les personnes qui appellent à la voix d'Allah. Et cela, car on lui a réuni, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, tous les sorciers se trouvant sur la terre d'Égypte. Ils se sont réunis ont jeté leurs cordes et leurs bâtons, jusqu'à ce qu'ils deviennent des serpents rampants sur la terre, à tel point où Moussa fut pris de peur. Allah dit à ce sujet, et Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Surat Taha, verset 67. Et lorsqu'ils se sont tous réunis, Moussa a.s. leur a dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges sur Allah, sinon il vous anéantira par un châtiment. Et quiconque forge un mensonge est perdu. Surat Taha, verset 61. Puis nous dit rahimahullah. Donc, Moussa leur a dit quelques mots, et Allah a dit après cela. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux, c'est-à-dire les sorciers. Ils se mirent à disputer entre eux leurs affaires et tinrent secrète leur discussion. Surat Taha, verset 62. C'est-à-dire qu'ils se sont, à la suite de cela, donc à la suite des propos de Moussa alayhi salam, disputés entre eux. Puis il nous dit, rahimahullah, donc médite comment ces propos de Moussa ont eu un impact sur les sorciers. Il est obligatoire donc que la parole de vérité ait un impact, et il se peut que cet impact se produise directement à la suite, comme il se peut qu'il soit retardé. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit, le 9e hadith, d'après Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce que je vous ai interdit de faire, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon votre capacité. Et certes, ce qui a mené à la perdition les communautés d'avant vous n'est que le surplus de questions et la divergence d'opinion à l'égard de leur prophète. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira, qui est le premier des sept compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ayant rapporté le plus de hadith, qui sont Abu Huraira, Ibn Omar, Anas ibn Malik, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah et Aisha radiallahu anhum. Qu'Allah soit agréé d'eux. Parmi les masa'il du hadith, premièrement, l'obligation de délaisser ce qu'a interdit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ma nahaytukum anhu, fajtanibuhu. Et cela, cette obligation englobe ce qui se fait en petite ou grande quantité. Car la base dans l'interdiction est qu'elle est générale. Il n'est donc pas permis de dire, à titre d'exemple, l'interdiction qu'a donné le messager sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de donner avec la main gauche n'est que lorsque cela est en grande quantité, par exemple. Car l'interdiction est de base générale. Donc cela englobe ce qui est fait en petite ou grande quantité. Donc lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose, il est obligatoire de s'en écarter. Deuxièmement, le fait que le délaissement d'une chose soit plus facile que l'accomplissement d'un ordre. Voilà pourquoi dans le hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné le délaissement par la capacité, contrairement à l'ordre. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Alors qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon votre capacité. Donc le délaissement, qui est plus facile que l'accomplissement, n'a pas été conditionné par la capacité. Troisièmement, parmi les masaïl du hadith, le fait de savoir que la base, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose, est de s'en écarter, sans chercher à savoir est-ce que cela, ce délaissement est obligatoire ou non. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Donc ce que je vous ai interdit, délaissez-le, écartez-vous-en. Quatrièmement, et cela est pareil pour les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne convient pas de chercher est-ce que cela est obligatoire ou non, mais d'accourir à son accomplissement. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ نَعْ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ. Donc, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon votre capacité. Cinquièmement, l'accomplissement des ordres obligatoires. Donc, comme cité, se fait selon la capacité. Donc cela, comme dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, prie debout, et si tu es incapable, alors prie assis. Et si tu es incapable, alors prie allongé. Donc l'accomplissement des ordres se fait selon la capacité de la personne. Sixièmement, les ordres et interdits du messager sallallahu alayhi wa sallam sont une législation à part entière. Et cela, même s'ils ne sont pas présents dans le Coran. Donc il n'est pas permis à une personne de dire « cet ordre n'est pas dans le Coran » ou « cet interdit n'est pas dans le Coran ». Car cela est une législation à part entière. Septièmement, dans le hadith, nous voyons que l'une des causes menant à la perdition des communautés est le surplus de questions, c'est-à-dire les questions auxquelles il n'y a pas de réponse ou les questions qui sont de l'exagération. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Halak al-mutanabti'un » Donc, ont perdu, sont à la perdition, ceux qui exagèrent. Donc, il ne convient pas à la personne de demander à propos de ce qui ne lui est pas profitable dans sa religion, dans sa vie mondaine, ou bien d'exagérer dans les questions ou dans le fait de questionner à propos de sujets qui ne le concernent pas. Comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, parmi ceux qui montrent le bon islam de la personne, le fait de délaisser ceux qui ne le regardent pas. Et quant au fait de demander et de questionner à propos des sujets religieux qui concernent la personne, alors il n'y a aucun mal dans cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc la personne tire de ce hadith qu'il est obligatoire aux musulmans d'accourir dans l'accomplissement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'accomplir. Cela selon sa capacité. Et à l'inverse, de délaisser toute chose et de s'écarter de ce contre quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit, sans chercher à exagérer dans le questionnement et à savoir si cela est obligatoire ou non, si cela est recommandé ou non. Mais la base, c'est que la personne accourt à délaisser ce qu'a interdit le messager sallallahu alayhi wa sallam et à accomplir ses ordres, en espérant à travers cela être préservé de l'égarement et de la perdition qui a pu toucher les communautés qui ont précédé. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يسددنا وإياكم لكل خير وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.